Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, vous êtes bien sur Radioactive 100 FM de 21h à minuit, votre émission rock, musiques expérimentales diverses et variées, c'est toujours Lost in Space sur le 100 FM. On attaque immédiatement avec des Français, une vieille compilation qui s'appelait Punk Rock and Guns, on va en écouter deux morceaux. On aura d'abord Domeska et puis Sourire Kabyle. C'est parti pour le détail de tout ce qui est dans l'émission, tous les morceaux passés. Bah retrouvez-nous sur la page de la radio. Et on est ensemble pour 3 heures. Allez, go! J'ai connu d'étranges amis qui mouraient

No! Heart.

yourself off then. It's only in your head you feel left out. Look down on. Just do your best. Teach everything you can. And don't you worry what their bitter hearts are gonna say. It just takes some time. Little good and little out the right. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright, alright. It just takes some time. Little girl, little out the right. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright. In our lab, looking through the microscope. The little glass eyes, they never lie. How can this fall my coat? I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn your back to stupid science world. This is reaching for the telephone. It's alive. You're better off dead. If you only knew, your growing life's taking a dive. I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn away, you stupid science world. This is reaching for the telephone. C'est avec ce morceau Amoeba des Adolescents que s'arrête la première partie de l'émission Lost in Space sur Radioactive 100 FM. La séquence suivante, ça va être un vrai retour vers le futur. On a voulu imaginer ce que pouvait ressembler, ce à quoi aurait pu ressembler Lost in Space si l'émission existait déjà en 1980, c'est-à-dire en ne passant que des morceaux de cette année-là. Ok, c'est parti. Donc le premier, c'est Adam and the Ants, Stand and Deliver. Stand and deliver, the money or your life. Oh, try to deliver. tired of excuses, of giggling in philosophies where only showbiz loses. We're the Dandy Highwaymen and here's our invitation. Throw your safety overboard and join our insect nation. Stand and deliver. Yeah.

got a six pack and nothing to do. I got a six pack and I don't need you. Let us burn in smoke too. While we stand in the burning. C'est sur ce Wasted Youth que s'achève cette partie de Lost in Space consacrée à l'année 1981, comme si on était transporté, téléporté dans le temps. Nouvelle séquence maintenant, c'est un hommage à un bouquin qui est sorti qui s'appelle Les filles atypiques, l'histoire des Slits, sorti aux éditions Ritrut. Vous allez en avoir donc quelques lectures d'extraits et puis surtout pas mal de morceaux des Slits pour bien prendre conscience de l'importance qu'avait ce groupe. Nous sommes en 1976 et l'Angleterre se hérisse de mécontentement. La nation est paralysée par les grèves et les pannes d'électricité. Il y a une mauvaise odeur dans l'air en raison des ordures en décomposition qui s'empilent dans les rues. Les préjugés, le chauvinisme et l'ennui dictent leurs lois. Le nombre de chômeurs augmente de jour en jour, avec en fond sonore jusqu'ici les musiques pop, folk, metal, glam, soft rock et progressive, que beaucoup de gens, et en particulier la jeunesse insatisfaite, ont du mal à apprécier car à des lieux de leurs préoccupations. Ça bouillonne sous le volcan et il va bientôt entrer en éruption. À l'école des Beaux-Arts d'Hammersmith et Chelsea, à Limegrove, Shepherd's Bush, North London, l'adolescente Viv Albertine rencontre l'audacieux pré-clash Mick Jones de West London. Il avait des cheveux épais et de grands yeux. Un grand dégingandé avec une New York doll en son fort intérieur. La première fois que j'ai vu Mick, il portait des talons hauts et un pantalon rouge serré et il avait les cheveux longs, se souvient Vive. Ça m'a fait rire car j'ai su immédiatement qu'au Beaux-Arts, je ne pourrais être ami qu'avec lui. Vive et Mick se découvrent une passion mutuelle pour la musique qui ont une insatisfaction partagée concernant ce qui se fait à l'époque, considérant qu'il y a beaucoup de gâchis. À leurs yeux, les seuls personnages intéressants, à part David Bowie qui semble être américain, Patti Smith, New York Dolls, Iggy Pop, MC5, The Ramones, et Mick veut changer cela. Il part donc à la recherche de personnes de même sensibilité pour créer quelque chose de similaire plus près de chez lui. Et il commence à organiser des jam sessions avec différents musiciens, là où c'est possible et autant qu'il le peut. Il n'est pas le seul, il y a un nouveau groupe qui va montrer la voie avec l'aide de l'entrepreneur fripon Malcolm McLaren et de la styliste Vivienne Westwood. Mettant en avant un chanteur ayant déjà snobé le courant dominant en prenant ses influences dans des sources Aussi diverses que Can, Ian Dury et Captain Beefheart, ce groupe va faire l'effet d'une bombe dans la scène musicale britannique. Vive Albertine! Après environ 6 mois dans cette école, nous avons entendu que les Sex Pistols avaient donné un petit concert aux Beaux-Arts de Chelsea. Et c'était parti. Comme une lumière qui s'allume. L'attitude semblait plus importante que le son, mais on trouvait ça incroyable. Cela se passait enfin chez nous. C'était concret. Cela a tout changé. Avant les Pistols, la musique était atrocement sérieuse, se souvient John Lydon, alias Rotten, dans son autobiographie « Rotten, no Irish, no Blacks, no Dogs ». Elle nous offrait tout simplement des images se rapportant à quelque chose de mystique, exempt de réalité. Comment aurions-nous pu nous identifier à cette musique alors que nous vivions dans des logements sociaux ? Les Pistols projetaient cette colère. Naturellement, les Sex Pistols reflètent encore cette colère aujourd'hui. Mais alors qu'ils ne pourraient pas être pris autant au sérieux maintenant, quoi que vous en pensiez si vous n'étiez pas là au tout début, soyez sûr que ce qu'ils disaient et faisaient à l'époque était aussi pertinent et nécessaire que possible. Londres, en effervescence, prend son premier bol d'air pourri, Rotten, grâce au concert effrayant des Pistols aux Beaux-Arts en 1975 et 1976, et l'effet de motivation est immédiat. La même chose se produit à Manchester. Quand les Pistols jouent au Lesser Free Trade Hall en juin 1976, il n'y a que 30 ou 40 personnes présentes, seulement une toute petite partie de celles qui prétendent y avoir assisté. mais toutes forment ensuite des groupes. Parmi eux, Buzzcocks, The Fall, Slaughter and the Dogs, Joy Division et The Smiths. Beaucoup connaissent comment Peter Hook de Joy Division a résumé cela. C'était comme avoir été dans une salle obscure pendant 20 ans et que quelqu'un vous montre une porte de sortie. Même si Marky Smith, le leader de The Fall, a le sentiment qu'ils auraient pu être plus lumineux sur scène, au lieu du spectacle de déchéance qu'ils offraient, l'important est qu'ils étaient stimulants. Et cela ne se limitait pas à Londres. La philosophie de ce qui sera bientôt largement référencé comme étant du punk veut que la plupart des groupes régionaux soient fiers de se sentir impliqués plutôt que résignés à se rendre dans la capitale pour espérer avoir quelques chances de succès. Nature universelle du punk, l'idée selon laquelle tout le monde peut former un groupe et monter sur scène, fait autant appel aux filles qu'elle le fit précédemment aux garçons. Jusqu'à l'apparition des Sex Pistols, la vie en Grande-Bretagne dans les 70s n'offrait pas vraiment d'opportunités si vous étiez une femme, et les choses étaient même encore moins prometteuses si vous résidiez ailleurs qu'à Londres. Christine Robertson, qui deviendra manageuse des Slits, habitait à Luton. Il y avait un vide culturel, dit-elle. Le monde était très ennuyeux à l'époque, et bien que les femmes aient obtenu l'égalité de salaire en 1972, le rôle des femmes n'avait toujours pas changé. Il fallait se marier, avoir des enfants et être une femme au foyer. Si vous étiez suffisamment intelligente, vous pouviez devenir professeur ou autre. Je ne me sentais pas vraiment concernée. Pour les femmes comme Christine, l'énergie motrice du punk change le mécontentement en action. Il ne suffit plus de vous installer confortablement dans le rôle qu'on attend de vous, tout en grinçant silencieusement des dents pendant que vous voyez vos rêves disparaître. Le punk a mis le feu aux tripes des gens et leur inspire de prendre la vie à pleine main, et peut-être même d'apprendre à se secouer. Babylon lovers are Babylon lovers. Oh, oh, oh, sweet love on drummers. Dance, it came true. get married and having a house in the country. Love's a feeling, and so is stealing. Do you hear me? I hear you. Christine continue. J'ai vécu ma vie suivant une éthique punk, sans que personne ne me dise ce que cela signifiait. J'avais décidé que tout était possible et je n'allais certainement pas suivre le même chemin que ma mère, assurément. Elle a eu 5 enfants et chaque jour en rentrant de l'école, je la voyais devant la table à repasser. Et depuis, je ne fais jamais de repassage. C'était une femme merveilleuse avec beaucoup de talent, mais elle se tenait à sa tâche. C'était symbolique. Je me disais qu'il devait y avoir d'autres choix pour moi. Au milieu des 70s, j'ai fait les Beaux-Arts et ce fut une de mes issues. Quand est arrivé le punk en 1976, je suis venu à Londres. Cette nouvelle tendance était tellement dynamique et anti-establishment que je n'ai eu aucun mal à m'identifier de toute façon. Vous êtes toujours sur Radioactive, Lost in Space. On vient d'écouter quelques extraits d'un livre qui s'appelait « Les filles atypiques, l'histoire des Slits ». Et maintenant, encore des autres extraits de bouquins pour vous parler de l'Underground Musical français, un autre livre sorti l'année dernière, très intéressant, qui va vous remontrer, on en reparlera plusieurs fois, comment les musiques de traverses bizarres et variées ont pu s'implanter en France. La France, symbolique terre des libertés depuis la Révolution de 1789, cristallise les grands mouvements de contestation politique des années 60 à travers les événements de mai 68. Jamais le peuple n'était si proche de faire basculer tout un pays dans l'autogestion généralisée. Tout paraît possible avant que les forces politiques instituées ne reprennent les rênes et ne redonnent mandat au roi de Gaulle. Ces années utopiques sont autant politiques que créatives, dans un même élan d'imagination débridée. En France, la presse musicale, rock et folk en tête, trépigne d'impatience de voir naître un véritable rock français qui puisse tenir la comparaison avec les dieux anglo-saxons. Peut-il vraiment y avoir un rock qui soit assez fidèle à ses modèles tout en affirmant des particularismes locaux ? L'équation paraît difficilement soluble. Le rock est un produit importé dans un pays qui est surtout une terre d'accueil pour le jazz depuis des lustres et qui a une longue et riche tradition de la chanson, qu'elle soit réaliste, contestataire, grivoise et dite de variété. Les variétés, justement, gardent la main et imposent leur tempo flasque dans les médias radio-télévisés. L'affaire paraît d'autant plus délicate qu'en ces années de prise de conscience, il devient nécessaire pour certains d'échapper aux diktats des lois du marché. Pour s'émanciper des modèles anglo-saxons et de la chanson française, les créateurs n'ont d'autre choix que de développer une contre-culture, par essence marginale, underground. Dans les expressions communes s'inscrivent généralement d'autres sens beaucoup plus lourds. Les groupes des années 70 présentant une alternative rock anglo-saxon ont rarement obtenu la reconnaissance qu'ils méritaient. Pire, ils ont été pendant longtemps recouverts par le linceul de l'oubli, l'appellation rock alternatif, désignant communément les groupes des années 80, comme s'il n'y avait pas eu de rock alternatif avant 1980. L'avènement du rock'n'roll est, selon l'histoire officielle, daté de 1954, année où Elvis Presley enregistre son premier tube, That's Alright Mama, que l'on vient d'entendre à l'instant, dans les studios Sun Records à Memphis, créé par Sam Phillips. Ce dernier a, depuis 1950, enregistré des musiciens noirs tels Rufus Thomas, Howlin' Wolf et B.B. King. Il est alors en quête d'interprètes blancs afin de contourner l'obstacle de l'interdit racial dans un but commercial. Thank you. someday. Well, it's gone. Well, it's gone away from me. But so lonely, Elvis Presley, lui, est apte à être diffusé sur les ondes d'une Amérique ségrégationniste. Selon le bluesman Dr. Ross, l'un des premiers à enregistrer pour Sun Records à ouvrir la voie vers le rockabilly, Sam Phillips aurait déclaré que s'il arrivait à trouver un blanc, ayant le son et le feeling d'un noir, il lui ferait gagner $1 million. Elvis Presley est ainsi adoubé de King of Rock and Roll et ses déhanchements suggestifs font scandale sur les chaînes de télévision américaines. Le rock devient la musique de la révolte, celle d'une jeunesse en pleine phase d'émancipation, dans un monde occidental se convertissant à la société de consommation. Sun Records et une multitude de labels indépendants entament ainsi l'hégémonie des quatre grandes majors américaines de l'époque, RCA, Columbia, Capitol et MCA, qui ne réagissent pas, même si RCA a récupéré Elvis en 1955 et perdent la moitié de leur part de marché en quelques années. Stratégie commerciale, société de consommation, le rock symbolise bien l'esprit rebelle, mais dès les origines, il a partie liée avec l'économique. Il s'agit d'emblée d'un rock business. Take my arms, take my kiss, only please think of this, there's no right way to do me wrong. I am clay in your hand, pray that you understand, there's no right way to do me wrong. From a whisper to a sigh, a heart can be broken, believing a lie. Take my all, darling, don't unless you love me too, there's no right way to do me wrong. Love me now with all your might, there's no right way to do me wrong. From a whisper to a sigh, a heart can be broken, believing a lie. Take my all, darling, don't unless you love me too, there's no right way to do me wrong. All the time, there's no right way to do me wrong. I was made just for you, and you know I love you too. There's no right way to do me wrong. From a whisper to a sigh, a heart can be broken, believing a lie. Take my all, darling, don't unless you love me too. En France, le rock'n'roll est au départ perçu comme une nouvelle mode, un nouveau style rythmique facilement assimilable par les musiciens de jazz et de variété. Ses premières adaptations sont publiées sur disque à partir de 1956 sous l'impulsion d'artistes tels que Macaque, alias Baptiste Rey, Moustache, Sacha Distel, Boris Vian, Michel Legrand, Henri Salvador, Lynn Renault. Les adaptations francisées et pastiches vont bon train. Certains en font bientôt leur style à part entière. Richard Anthony publie Rockin' Richard en 1958, quatre titres dont une reprise de Peggy Sue de Buddy Holly. Daniel Gérard est lancé la même année par D'où reviens-tu Billy Boy, signé Boris Vian. Un jeune chanteur engagé par la maison de disques Vogue, Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, devient l'idole du rock'n'roll made in France avec la publication du 45 tours T'aimer follement le 14 mars 1960. Date qui est, paraît-il, celle de la naissance du rock en France, même si de nombreux disques lui sont antérieurs. Après les chanteurs solistes arrive la vague des groupes. Les Chats Sauvages et les Chaussettes Noires sont restés à la postérité. Des centaines d'autres sont tombés dans l'oubli. De son côté, Eddie Barclay lance Vince Taylor et les Playboys en 1961. Ils vont incarner un temps les vrais rockers grâce au charisme de leur chanteur anglais, intégralement vêtu de cuir noir jusqu'au bout de ses mains gantées. Les concerts de Vince Taylor sont alors réputés pour être des lieux où se jaugent des bandes rivales de blouson noir. Il fait quelques passages télé, mais ce démon noir du rock a mauvaise presse et suscite l'inquiétude. Eddie Barclay lâche l'affaire du jour au lendemain, considérant qu'il ne rentabilisera pas sa mise, déjà importante. Avec Vince Taylor, le rock français tient son premier rebelle. Dans un tout autre style, en 1963, Hector, alias Jean-Pierre Calfon, à ne pas confondre avec l'acteur homonyme, et ses médiateurs s'inspirent de Screamin' Jay Hawkins pour jouer la pure provocation et la franche déconnade. Hector, bourgeois aux cheveux trop longs pour être accepté aux épreuves du bac, arrive en corbillard, monte sur scène en tenant son valet en laisse, chante dans une baignoire et parodie Claude François en faisant du trapèze volant. Il enchaîne les gags et jette un certain trouble dans un rock'n'roll déjà en voie de normalisation, mais ne séduit pas les programmateurs radio. Hey, il est pas du quartier! C'est pas du quartier! C'est pas du quartier! Hé les gars, je ne suis pas du coin, j'arrive d'un pays lointain, je ne suis pour vous qu'un étranger, mes en amis, je viens vous trouver. Je sais qu'ici vous régnez en maître, dans ce quartier vous êtes les rois, la rue tremble sous votre loi, mais vous m'accepterez peut-être. Barre-toi, allez tire-toi, passe-toi. Allons les copains, je vous tends la main, je viens par ici chercher des amis, je suis étranger à votre quartier, mais je voudrais tant rester avec vous, danser avec vous, chanter avec vous. Dégage! C'est pas du quartier! Pourquoi les copains refusaient ma main? Je suis comme vous, fils de n'importe où, et depuis toujours j'ai besoin d'amour, et je voudrais tant rester avec vous, danser avec vous, chanter avec vous. Casse-toi! T'es pas du quartier! Voyez les copains, voyez, je n'ai rien que mon amitié à vous proposer. Non, vous ne pouvez pas me repousser. Oh, je voudrais tant rester avec vous, danser avec vous, chanter avec vous. Fous le camp, t'es pas du quartier. Adieu les copains, je m'en vais plus loin. Plus loin je repars encore au hasard, comme un étranger toujours pour chasser, espérant en vain trouver des copains, trouver l'amitié. T'es pas du quartier. Bon ben, t'es salut les copains. Allez, fous le camp. T'es pas du quartier. Hey, Ouais.